Vous aurez rien contre les cauchemars? Les cauchemars? Ah, en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors, j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors, je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête, et là, je me réveille. Je perdais mon temps d'après ces dires, aujourd'hui je cours après l'aiguille de l'horloge. Hier j'appuie des titres à la file sur mon ordi fixe en sol. La foule paraît sourde, le cri buglant face à cet animal blessé. Elle aime répéter Léon, dit fait curler que la ville a baisé. Je perds mon sang-froid face à ce manège, la route est longue. De toute façon j'avance car ma paresse m'allonge. Le soleil berce l'humeur, voilà qu'un nuage tache le ciel. Je pense comme arrêter, je pense qu'à la prochaine page que je dette, cherche vers où fuir. Lendemain problème, jeunesse en apnée. Écoute pas chaque promesse, y'a pas de grochette pour te mettre en arrêt. Hey, alors je traîne mes pattes sur le boulevard, d'un coin à l'autre de la ville, cherchant chez la rue humaine, j'avance. À hauteur de la rime, dans le coin de la pièce. Les frites, mes peines, une parine, mes épluches. Sors où tu te plairais le plus, est-ce que me répéter c'était le dernier bus? Je suis ce garçon qui cherche à fondre une âme dans le gobelet. La raison fut les Russes, et bien qu'elles ont su nous enrôler. La raison, depuis que plus rien étonne, on cesse tombe. Demain sera meilleur qu'hier, la pression apprécie me faire de l'ombre. On sait ce qu'on déteste, tête, songe à ce qui peut nous être étrange. Au final, quoi qu'on dise, on traîne les pieds, je pense. Hymne à la raison, depuis que plus rien étonne, on cesse tombe. Demain sera meilleur qu'hier, la pression apprécie me faire de l'ombre. On sait ce qu'on déteste, être, songe à ce qui peut nous être étrange. Au final, quoi qu'on ils entraînent les pieds, je pense. Opinion éclectique, devant le jour J, je relativise. Incapable de choisir ce que je veux dans le grec ou comme direction de vie. Pourtant, à tête comme une pastèque, faut pas que ça déteigne sur mes chevilles. Pas la paire de baskets qu'il faut pour assumer leur marche à suivre, c'est fou. Leurs discours du pipeau pour les moutons et les brebis de basse-cour. Vois-tu d'étaler le troupeau quand le berger lui garde le pont? À table bouffer ma mère, je vous invite pour un dîner de con. Au menu, je vous mettrai des tartes en sirotant mon verre de ponche. Lis mal à raison, je la sifflote en cachette à la maison. Époque où les principes changent plus rapidement que les saisons. Ceci c'est sombre si prestamment qu'on pourrait croire qu'ils ne sont que fiction. À force attendre dans la réponse, j'en oublierais même la question. Au fond j'y songe, suis-je réellement l'effigie de ce monde qu'une figurine de plomb sur un jeu qui n'est pas le bon? Alors je dépasse les bornes sur une bande son du mort, genre t'as l'époque avec un bob sur la tête et la tape d'un pote sur l'épaule. Il m'a la raison, depuis que plus rien est en, on cesse tombe. Demain sera meilleur qu'hier, la pression apprécie me faire de l'ombre. On sait ce qu'on déteste, tête, songe à ce qui peut nous être étrange. Au final quoi qu'on dise, on traîne les pieds, je pense. Il m'a la raison, depuis que plus rien est en, on cesse tombe. Demain sera meilleur qu'hier, la pression apprécie me faire de l'ombre. On sait ce qu'on déteste, tête, songe à ce qui peut nous être étrange. Au final quoi qu'on dise, on traîne les pieds, je pense. Putain, c'est pas la peine que je te file des trucs à toi. C'est vrai? Super. Bon, allez.